Chapitre 10e. Pendant 3 mois, Evelyne mena une existence affreuse. Elle avait le sentiment continu d'être la proie de forces mystérieuses et ennemies. Elle connaissait les affres des tristes créatures qui, aux siècles abolies, se croyaient possédées par le démon. Plus seule encore que naguère, son mal semblait sans remède, et ceux qu'elle aimait le plus, sa mère même, étaient totalement incapables de comprendre sa peine. Il n'y avait que ce James. Pendant plusieurs semaines, sa présence fut insupportable à la jeune femme. Elle ne lui tendait même plus la main. Elle l'écoutait en silence, prostrée. Elle lui disait à peine une parole à l'arrivée et au départ, et son aversion croissait les jours où elle avait un sentiment plus aigu de sa propre injustice. Après le 3e mois, l'affliction et le dégoût persistèrent, mais il s'y mêla de la résignation. Evelyne céda alors à ce besoin de la confidence, qui est un trait dominant et irrésistible de l'être social. Elle expliquait les nuances de son supplice. Elle essayait surtout de faire comprendre cette lutte qui se livrait en elle et où elle discernait si nettement une influence extraterrestre. « Oh !» s'écriait-elle un soir de février, tandis que la neige s'épaississait sur Londres. « Je sens si bien que je suis une condamnée et une esclave. » Il l'écoutait avec une patience qui ne se démentait jamais. Et tout en regardant, par le rideau écarté, tomber les plumules argentines, il se mit à dire « C'est pourtant votre enfant aussi. »« Non, non » fit-elle avec véhémence. « Ce n'est pas mon enfant. »« Réfléchissez, » reprit-il. « Peut-être ne l'était-il pas d'abord, ou très peu, je ne sais pas, mais il l'est chaque jour davantage. Depuis bien des mois, n'est-il pas nourri de votre sang? N'est-ce pas votre force qui le soutient? N'est-ce pas votre vie qui le fait vivre ?» Pensez à tout ce qu'il aura reçu de vous lorsqu'enfin il verra le jour. Ces paroles la frappèrent. Elle demeura quelque temps rêveuse, mais l'objecta avec moins de dégoût et d'amertume. Est-ce que ce n'est pas pire? Peut-être, si c'est un être abominable, mais pourquoi serait-il abominable? Parce que l'autre l'était. Non, répondit énergiquement le jeune homme, elle était étrange, sans doute, mais je peux vous assurer, et en consultant les souvenirs qu'elle a laissés dans votre cerveau, vous pouvez même vous convaincre que c'était une bonne créature, digne d'être plainte et même aimée. « C'est vrai, » murmura Evelyne. Pendant quelques minutes, elle se sentit presque rassurée, mais tout à coup elle blêmit, ses lèvres frémirent. « Et si cet enfant est un vampire » cria-t-elle. James, à son tour, devint pâle, car à mesure que le temps avançait, il se sentait envahir par la tendresse paternelle. « Ce n'est pas probable, » riposta-t-il. Depuis ce soir, Evelyne ne lui montra plus aucune aversion. Elle le recevait amicalement. Leur causerie se prolongeait parfois pendant plus d'une heure. L'hiver coula. Le printemps voya ses petites fées glisser les feuilles des arbres et les corolles des fleurs. Les tempêtes d'équinoxe rugirent sur les cheminées. Puis la date approcha, qui devait marquer pour Evelyne une double délivrance. Ce fut à la fin de mai. Les crépuscules se prolongeaient interminablement dans le firmament londonien. Big Ben, au haut du Parlement, sonnait à peine 2 fois l'heure entre les dernières lueurs de la brume et les argentures de l'aube. Evelyne connut une nuit effroyable où tout son être craqua dans les tortures. Au matin, un petit mâle poussa sa première plainte. Seulement, au lieu d'être rouge et pareil à une grenouille, comme ses congénères, il était fantastiquement pâle et les traits déjà amenuisés. « What a love !» cria à tout hasard Mrs. Gorfdale. « Est-elle votre portrait, darling ?» C'était exact. Mais Evelyne ne voyait pas la forme du visage, elle était terrorisée par cette pâleur, qui n'était vraiment pas de ce monde. « Un fantôme » chuchota-t-elle. Et elle n'osait pas prendre le nouveau-né dans ses bras. Cependant, sa fatigue était si grande, et il ressentait un tel sentiment de délivrance qu'elle sombra dans le sommeil. Ce fut un sommeil très long, à peine entrecoupé d'un court réveil vers le soir. Le lendemain, quand elle s'éveilla, elle aperçut une jeune femme qui venait de saisir l'enfant et lui offrait le sein. « Mrs. Tenyrump ne veut pas que vous nourrissiez. Vous avez besoin de réparer vos forces, » dit Mrs. Gorfdale. Evelyne ne répondit pas, hypnotisée par le spectacle de la petite bouche qui avait saisi la réolbise de la nourrice. Des minutes frissonnantes s'écoulèrent. On voyait trembloter le menu visage. La couchée, à mesure, se sentait prise d'une joie subtile et profonde. À la fin, elle dit « Donnez-le-moi. » La nourrice tendit le nouveau-né. Evelyne ne cessait de regarder les petites lèvres. Elle avait un grand sourire. Son cœur palpitait de bonheur. Les lèvres étaient pleines de lait. Depuis la veille, James attendait avec inquiétude. Lorsque Mrs. Grobday lui avait montré le baby, un grand frémissement l'avait secoué. Il reconnaissait trop bien cette pâleur prodigieuse. Il retrouvait devant la frêle créature la crainte et l'horreur qui l'avaient agité avant le retour d'Evelyn. Il passa une journée chagrine et une nuit misérable. Son cœur était plein de tendresse pour l'enfant, comme il était plein d'amour pour la jeune mère. C'était l'heure de la destinée. Si le pauvre petit ne pouvait se nourrir que de sang, comment le mener à travers la vie? Sans doute, il faudrait se résigner à perdre définitivement Evelyn. Il songeait à ces choses lorsque la femme de chambre vint desservir son breakfast, auquel il n'avait pas touché, et lui dit « Madame désire parler à monsieur. » Il n'osa pas descendre tout de suite. Il était comme un joueur qui hésite avant de risquer sa mise. Quand il pénétra dans la chambre et qu'il aperçut le petit dans les bras d'Evelyn, il respira plus librement. Le visage de la jeune femme était paisible, ses yeux clairs et sans fièvre. Quand James fut proche, elle chuchota. « C'est un enfant comme un autre. » D'un geste presque imperceptible, elle montrait la nourrice qui se tenait au fond de la chambre, et pour la première fois, il sentit une pression franche répondre à sa pression de main. Des jours très doux coulèrent. Dans la grande lumière de juin, au parfum des pollens et des verdures qui montaient du jardin par les larges baies de la chambre, il sentait peu à peu s'éloigner l'aventure surnaturelle. La vie terrestre les ressaisissait et les consolait. Le mauvais passé devenait un songe. Un après-midi qu'ils avaient causé plus longtemps que d'habitude, ils furent surpris par le crépuscule. Une fournaise s'allumait là-bas, parmi les arbres. Des peuplades d'oisillons, filant à travers les échancrures des demeures et des murailles, s'abattaient sur les branches, parmi les ramilles, sur la saillie des toits, avec des sifflements de bonheur. James avait saisi la main d'Evelyn, et comme elle ne la retirait pas, il dit à voix basse « Pourquoi ne seriez-vous pas ma compagne ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Songeuse, une énergie simple et naïve l'animait. Elle savait qu'elle pourrait vivre de longs jours avec ce grand garçon tendre, mais elle sentit les obstacles qui s'élevaient en elle et elle soupira. « Je ne puis pas vous répondre encore. »